Vas-y, tu me dis quand c'est bon. Hey, yo. Pour exciter les meufs de mon quartier, j'avais acheté un disque de Johnny à écouter. Et pour faire plaisir aux meufs de mon quartier, j'avais acheté un disque de Johnny à écouter. Mais j'avais pas encore de lecteur CD, alors c'est dans la fashion de Charlotte que je l'ai planté. Mais malheureusement, elle avait pas de gros haut-parleurs, à part ses deux gros paires de... ses gros paires de robeurs. Ouais, ouais, mais les jeunes, ouais, Johnny c'est ma vie. Ouais, les jeunes, Johnny c'est ma vie. Petite introduction, j'étais allé au port de Metz pour aller taper la discute à deux, trois gonzesses. J'étais encore venu avec les disques de Johnny, mais elles ont dit j'aime pas Johnny, en plus c'est pourri. Mais tu sais pas ce que c'est la vraie musique. Moi quand j'écoute Johnny tout seul dans ma chambre, moi j'ai la trique. Les disques de Johnny, j'ai toute la collection. Allez vas-y, viens par là, on va écouter ça et tu monteras tes nichons. Disque de Johnny, c'est toute ma vie. Disque de Johnny, les disques de Johnny, édition collector, Fnac, Netto, ils sont là encore. À Ikea, supermarché, et même chez Emmaüs, ils en vendent même le prix du bus. Ouais, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La fille de mon quartier, la fille de mon quartier, pour pouvoir les baiser, j'ai sorti le disque de Johnny et je les ai emballés. Et bien pour moi, pardon, c'était trop bien.